Chapitre 5. Mao et Gemma, en compagnie d'Auberte, descendirent en voiture le dimanche jusqu'au village pour assister à la messe dans la petite église au clocher crénelé aperçue lors de leur arrivée à Bruxelles. Madame de Camparennes appartenait à la confession anglicane et Joyce recevait les enseignements de cette religion qui avait été aussi celle de sa mère. Dans l'antique sanctuaire, sombre, mal chauffé par un petit poêle, le banc de chêne armorié continuait de recevoir les seigneurs de Bruxelles, ou du moins leurs hôtes. Le curé, un grand vieillard de mine austère, venait d'arriver au bas de l'autel. Autour d'un harmonium tenu par une vieille petite dame coiffée d'un chapeau fané, quelques jeunes filles du village et des hameaux voisins exécutaient les chants liturgiques tant bien que mal. Un peu avant l'offertoire, Laetitia entra dans le banc. Elle ne s'agenouilla pas, inclina seulement un peu la tête et s'assit près de Gemma. La première, elle sortit de l'église, mais elle attendait sur la petite place Mademoiselle de Fontaillan et Auberte. En tendant la main à Gemma, elle dit, montrant d'un signe de tête son petit cabriolet vert, « Je vous ramène toutes les trois ». Puis elle se tourna vers une femme vêtue de noir, coiffée d'un mouchoir noir, qui passait à ce moment près d'elle. « Profitez donc de l'autre voiture, Paola, cela vous épargnera la fatigue de la montée. »« Je vous remercie, mademoiselle, mais j'y suis habituée. » La voix était froide, comme le regard des yeux noirs un peu enfoncés dans l'orbite. Cette grande femme sèche, au maigre visage brun strié de rides, n'avait pas une mine avenante. Son accent, son type et le nom de Paola que venait de lui donner la comtesse Camparini firent penser à Gemma que ce devait être la servante de Salvatore et de Camparenne. « Votre maître n'a pas annoncé son retour ?» demanda Laetitia. « Non, pas encore, mademoiselle. » Et, avec un bref petit salut, Paola s'éloigna d'un pas encore alerte. « Eh bien, partez, Martin !» dit Laetitia, s'adressant au chauffeur qui avait amené Auberte et les jeunes filles. « Vous pourrez remonter Aurélie et Anna, que j'aperçois là-bas. » Sur son invitation, Gemma prit place près d'elle et Mao s'installa avec Auberte à l'arrière. Quand la voiture fut en marche, Laetitia demanda « Vous ne connaissez pas encore Paola ? Elle était au service de la mère de Salvatore et a en partie élevé celui-ci. Une curieuse femme, un dévouement farouche pour son maître. Lionel prétend qu'elle l'influence pour le détourner du mariage par jalousie. Ce n'est pas impossible, même avec un homme doué d'une forte volonté tel que Salvatore. Il habite généralement ici ? Demanda Gemma. Une partie de l'année seulement. Il passe plusieurs mois en Corse où il a des propriétés. Puis il voyage souvent. » La voiture passait sur le vieux pont aux arches en ogive, s'engageait sur la route montante. Laetitia reprit, au bout d'un instant de silence, « Vous allez faire aujourd'hui la connaissance de Brigida Tchernine. Ses parents, au temps du tsarisme, passaient à Antibes tous les hivers. Ils étaient en relation avec mes cousins de Camparenne et Brigida, petite fille, jouait avec Salvatore et Lionel. » Elle a épousé, à 17 ans, un de ses compatriotes, un peintre qui l'a laissé veuve avec un petit garçon. Ce Tchernine avait du talent et, depuis sa mort, ses tableaux se vendent admirablement. Il y en a un dans l'appartement de Lionel. Je vous le montrerai un de ces jours. » Laetitia s'interrompit un moment pour prendre un tournant difficile. Brigida a téléphoné ce matin qu'elle arriverait pour le déjeuner. Elle aura une déception car elle comptait probablement trouver Salvatore. Pauvre Brigida, elle espère toujours atteindre ce cœur inaccessible. La voix de Laetitia avait une intonation d'ironie un peu méprisante qui déplut à Gemma. Aussi ne chercha-t-elle pas à continuer la conversation, préférant contempler le sauvage chaos des falaises à demi écroulées, le cirque de rouge pierraille baigné par le soleil. Quand apparut Bruxelles sur son rocher fauve, Laetitia étendit la main vers lui. Ce vieux logis a subi jadis nombre d'assauts sans jamais avoir succombé. Nous pouvons supposer aussi que ces murs ont vu bien des drames au cours des siècles. Peut-être exhumerez-vous le souvenir de quelques-uns en compulsant les archives que mon cousin n'a jamais eu, jusqu'ici, le loisir d'examiner à fond. Il est tout à fait enchanté de vous avoir à sa disposition. Pour vous, ce sera plus intéressant que l'instruction des petites. Il ne me déplaît pas du tout de m'occuper d'elles. Toutes deux me paraissent charmantes, bien que très différentes de nature. Auberte est une petite sournoise. De nouveau, Gemma se sentit choquée par ce jugement et par le ton sec de la comtesse Camparini. « Je ne crois pas, » dit-elle froidement. « C'est surtout, il me semble, une enfant qui souffre. » Laetitia eut un haussement d'épaule. « Et de quoi donc souffrirait-elle ? » « Peut-être de voir sa sœur plus aimée. » À juste titre, Joyce est une enfant aimable, affectueuse, très gaie, très intelligente. Auberte n'a rien de ses attachantes qualités, et quoi que vous en pensiez, elle est fausse, hypocrite, comme l'était sa mère. « Pauvre petite Aube !» pensa Gemma le cœur serré. Elle venait de comprendre que Laetitia détestait cet enfant, probablement parce qu'elle avait détesté sa mère. Pourquoi ? Jalousie ? Aimait-elle Lionel et en voulait-elle à celle qu'il lui avait préférée ? Mais, en ce cas, elle aurait dû avoir les mêmes sentiments à l'égard de la première femme et de sa fille. Or, elle s'associait aux éloges que tous décernaient à Joyce et lui témoignait une visible bienveillance. Alors, quelle raison avait-elle de porter un pareil jugement sur Robert et sa mère ? Un jugement qui était un mensonge, Gemma en était persuadée. Car elle n'avait jusqu'ici discerné aucune fausseté dans la nature de cet enfant, tandis que quelques observations faites ces derniers jours lui donnaient à penser qu'il n'en était pas de même chez Joyce. Quand Mademoiselle de Fontayan eurent regagné leur appartement, Aurélie vint les prévenir que Madame de Camparène les priait d'assister au déjeuner car elle désirait les présenter à Mademoiselle Tchernine. En rentrant un peu avant midi de sa promenade avec les petites filles, Gemma vit dans le hall un mince et blond garçonnet d'une douzaine d'années qui la salua correctement et que Joyce lui présenta aussitôt Oleg Tchernine. Puis elle lui saisit la main et l'entraîna au second étage où il devait déjeuner avec elle et Auberte. Gemma les suivit. Près d'elle montait Auberte, dont elle avait pris la main. Elle demanda « Vous allez jouer avec lui, cela vous distraira, Aube. »« Jouer ?» La voix d'Auberte hésita. « Je ne crois pas, c'est Joyce. »« Quoi, Joyce ?»« C'est Joyce qui joue. » « Pourquoi pas vous ?» La douce voix murmura « Je ne sais pas. » Gemma eut explication de ses réponses d'Auberte quand, après le déjeuner, les enfants parurent un moment au salon et ensuite se mirent à jouer sous la loggia. Joyce accaparait Oleg et celui-ci, nonchalant, un peu mou, subissait visiblement l'ascendant de sa vivacité, de ses sourires, de ses mines gaies et caressantes. Auberte restait à l'écart de leur jeu, de leur conversation, comme ignorée d'eux. « De plus en plus charmante, votre Joyce, mon cher Lionel !» disait Brigida Tchernine. « Une adorable enfant, mon Oleg l'aime beaucoup !» Elle riait, montrant de fines dents nacrées entre ses lèvres trop épaisses, défaut que le fard accentuait encore. Cette longue et mince jeune femme n'avait pas de beauté, mais une certaine séduction dans le regard des yeux gris-bleus, tour à tour vifs ou langoureux, une grâce captivante dans les mouvements, dans la démarche. La brillante soie verte de sa robe atténuait la fadeur du blond trop pâle des cheveux, du teint presque trop blanc que rehaussait pourtant le rose du maquillage. Quand le café fut pris, elle demanda « Si nous allions voir vos roses, chère madame, je suis férue d'admiration pour elles, vous le savez ?»« Allez, allez, mon enfant, Laetitia et ses demoiselles vous accompagneront. Après quoi, Lionel et mademoiselle Mao nous feront de la musique. Grand régal pour vous aussi, qui l'aimez tant. Surtout la musique de Lionel, c'est une fête de l'entendre. Vous ne partagez pas sur ce point les goûts de Salvatore, ma chère amie. » Un léger ricanement accompagnait ces paroles de Lionel. Les lèvres de Brigida se contractèrent un peu, tandis qu'elle répliquait « Salvatore rend justice à votre talent, Lionel. »« Oui, mais il le déteste. Oh, inutile de protester. Il me l'a dit un jour avec sa franchise habituelle. » Nouveau ricanement. Après quoi, un sourire très doux détendit la bouche ironique. Entre cousins, cela ne tire pas à conséquence. Moi, je n'aime pas sa sculpture et je le lui ai dit aussi. Nous sommes donc quittes. Maintenant, chère Brigida, allez voir nos roses, ces chefs-d'œuvre d'une autre espèce. Ensuite, nous vous donnerons un petit concert, mademoiselle de Fontayan et moi. Dans les jardins, sur la droite de la seconde terrasse, s'étendait une longue serre, domaine enchanté, où régnait un vieux jardinier italien, maître en sa partie. Il avait créé plusieurs variétés de roses, dont il obtenait la floraison tout l'hiver, et qui, à la beauté du coloris, ajoutaient de suaves parfums. L'une d'elles, surtout, baptisée par lui la Cynthia, en l'honneur de Madame de Camparène, était admirable tant par sa dimension que par les tons dégradés des pétales satinés, couleur d'or et de feu. Il s'en dégageait une senteur fine, subtile, qui devenait vite grisante. Dans cette atmosphère, saturée par l'arôme des roses, des lys, des tubéreuses, Gemma se sentait mal à l'aise. Elle sortit bientôt et, tandis qu'elle faisait quelques pas sur la terrasse, elle fut rejointe par Laetitia. « Je vous ai dit que je vous montrerai les tableaux de Grégory Tchernin qui sont dans l'appartement de Lionel. Voulez-vous les voir maintenant ?»« Volontiers, mais Madame Tchernin... » Elle et votre sœur sont en admiration devant les orchidées. Elles en ont pour un bon moment et regagneront le salon sans nous. Brigida est une vieille connaissance avec qui nous agissons sans cérémonie. L'appartement de Lionel occupait trois pièces du premier étage. Gemma éprouva un vif étonnement en entrant dans le salon où l'introduisait Laetitia. Les murs étaient tendus d'une épaisse soie couleur de citron pâle. Une soie couleur lit de vin recouvrait les sièges profonds, des rideaux de velours de même teinte décoraient les fenêtres. Les meubles aux lignes sèches étaient faits d'un bois satiné au ton rougeâtre sur lequel semblaient jouer de pâles reflets roses. Un épais tapis jaune recouvrait le parquet et jaune aussi était le somptueux brocart du divan qui occupait l'un des angles de la pièce, près d'une table basse, garnie d'un nécessaire de fumeur. Devant l'une des fenêtres, dans un long tube d'argent ciselé, s'érigeaient des hampes de lys blancs et rouges. Un peu anachronique, cette installation dans une demeure telle que celle-ci, dit Laetitia. Lionel a des goûts particuliers. Voici les tableaux. Sur le mur se détachaient deux toiles. L'une représentait une femme, une sorte de fantôme plutôt, flottant au-dessus d'un étang couvert de plantes aquatiques. Dans l'autre, une jeune fille se penchait vers un moribond dont le visage avait déjà des teintes cadavériques. L'atmosphère dans ses œuvres, d'ailleurs non dénuées de talent, avait quelque chose de trouble, de morbide, qui frappa désagréablement Gemma. Eh bien, qu'en dites-vous? Cela vous plaît-il? Non, pas du tout. La franche réponse amena un sourire sur les lèvres de la comtesse Camparini. Vous n'êtes pas la seule, mais d'autres en raffolent. Tant mieux pour Brigida, qui a ainsi largement de quoi vivre. Le regard de Gemma, à cet instant, fut attiré par une autre toile, un portrait. Elle reconnut d'un coup d'œil la mère d'Auberte. Mais elle était là, telle que Salvatore de Camparène l'avait représentée, dans la statue pour laquelle cette jeune femme lui avait servi de modèle. Rieuse, ouvrant des yeux candides et heureux. À côté se trouvait le portrait de Laura, la mère de Joyce. Elle aussi avait un sourire qui atténuait la courbe un peu dédaigneuse de ses lèvres. Elle aussi donnait l'impression d'une femme heureuse. « Des portraits très ressemblants, » dit la voix lente et grave de Laetitia. « Il y a une dizaine d'années, un vieux peintre est venu prendre sa retraite dans une petite villa près de Nice. Il n'avait jamais eu de notoriété. Cependant, il a mérité. Mais il vivait seulement pour son art, insouciant de tout le reste. Il est venu ici pour faire le portrait de Laura et, plus tard, celui de Juliette. » Gemma détourna son regard des deux visages souriants. Pourquoi leur vue lui était-elle pénible ? Un malaise, d'ailleurs, la pénétrait dans cette pièce déplaisante où le trop enivrant parfum des lys se mêlait à la senteur un peu entêtante du tabac dont se servait Lionel. Un malaise tout semblable à celui qu'elle ressentit peu après, une fois de plus, en entendant Lionel interpréter à sa façon très personnelle une œuvre de Chopin. Et elle songea qu'elle n'était pas la seule à éprouver ce sentiment. Lionel lui-même avait déclaré tout à l'heure que son cousin détestait sa musique.